Chapitre 5. Inès était depuis 6 mois demoiselle de compagnie de la vieille comtesse de Sambras. Ce poste lui avait été procuré par l'intermédiaire de la supérieure du couvent où elle avait trouvé asile à son retour du Pérou. Selon la promesse faite à Don Miguel, elle avait refusé de rien dire sur son séjour au milieu des brigands et Jacques était demeuré également muet. « Nous avons juré, et à ce prix seulement, nous avons obtenu notre liberté. » Mais M. de Blangard, ses enfants, les hommes qui l'accompagnaient, s'étaient informés les gens de justice qui enquêtaient sur la mystérieuse disparition du député et de ses compagnons. « Ils ont tous été mis à mort. Pourquoi avez-vous, seul, été épargné ? Sans doute ont-ils eu quelque compassion en voyant notre jeunesse. » Toutes les instances avaient échoué devant la fermeté d'Inès et de Jacques. On alla jusqu'à les accuser de complicité avec les bandits. Mais presque aussitôt, sous l'action d'on ne sait quelle mystérieuse influence, le ton changea et les deux jeunes gens furent enfin laissés en repos. Inès, à la suite des émotions traversées, était restée longtemps souffrante. Lorsqu'elle s'était trouvée un peu remise, elle avait accepté aussitôt l'offre que lui faisait la supérieure de ce poste de demoiselle de compagnie. Ce n'était pas une sinécure, car la vieille dame était d'humeur fantasque et sa fille, la marquise de Braun, chez qui elle habitait, avait une nature tracassière et tatillonne, fort désagréable pour ceux qui vivaient autour d'elle. Mais Inès était courageuse et douce. Elle avait, en outre, un tact très délicat qui savait éviter maintes occasions de froissement. La vieille comtesse l'avait prise en affection, autant du moins que le pouvait sa nature un peu sèche. Madame de Braun, occupée par les préparatifs du mariage de sa fille aînée, lui faisait à peu près grâce de ses remarques aigres-douces. Inès se trouvait vraiment là assez tranquille et elle se fût trouvée presque heureuse sans le souvenir de ses jours passés dans la cité du roi des Andes, sans la souffrance qui ne voulait pas quitter son jeune cœur. Jacques, quelque temps après leur retour, avait écrit un mot à Don Miguel en l'adressant à ton hacienda de Santa Lucia. Il en avait reçu une réponse charmante, très affectueuse même. Mais d'Inès, il n'était pas question, autrement que pour charger Jacques de lui offrir ses hommages respectueux. La vie de la jeune fille était fort monotone près de la vieille comtesse, vivant en dehors du mouvement mondain qui entraînait sa fille et ses petites filles. Fort heureusement, Madame de Sambras avait un goût littéraire très sûr et les lectures qu'elle se faisait faire par sa demoiselle de compagnie intéressaient toujours Inès. Celle-ci devait, en outre, complaire au goût mélomane de la vieille dame en se mettant fort souvent au piano. Puis, elle aidait la comtesse dans d'interminables tapisseries, causées politiques et littérature. À peine avait-elle chaque jour le temps nécessaire pour se rendre à une messe matinale et, parfois, pour faire dans l'après-midi ses petites courses indispensables. Seule, l'après-midi du jour de congé mensuel de son frère lui était réservé, comme elle l'avait stipulé en entrant chez Madame de Sambras. Il y avait depuis quelques jours grand va-et-vient dans le vaste appartement qu'occupait la famille de Braun. Le mariage de Marc de Braun devait avoir lieu la semaine suivante et, auparavant, les parents offraient le dîner et la soirée de contrat. Madame de Sambras avait fait faire pour la circonstance une superbe robe de faille noire garnie de fort belles dentelles qu'elle possédait. Inès avait été appelée à donner son avis et la comtesse ayant déclaré qu'elle avait un goût exquis, Marthe, une grande blonde nonchalante mais très bonne fille, était venue lui demander conseil. Jusque-là, les deux sœurs, tout occupées de leur plaisir, n'avaient prêté que peu d'attention à la demoiselle de compagnie qui vivait très retirée près de leur grand-mère. Antoinette, la cadette, avait seulement déclaré qu'il était fort heureux que leur frère se trouvât pour longtemps à l'étranger, cette jeune personne étant beaucoup trop jolie pour le poste qu'elle occupait. Mais Marthe, après s'être entretenue avec Inès, se montra tout à fait conquise par le charme délicat qui émanait de la jeune fille, par son tact et son exquise distinction. « Grand-mère, pourquoi Mademoiselle de Brévis n'assisterait-elle pas au dîner » dit-elle en se trouvant seule avec son aïeul. « Elle est de notre monde, il serait pénible pour elle d'être traitée en subalterne. » « J'y ai pensé, ma petite, et je me proposais de lui offrir une toilette pour cette occasion. » Ce n'était pas l'avis d'Antoinette, et elle essaya de changer la décision de sa grand-mère. Mais la contradiction ne faisait qu'ancrer Madame de Sambras dans ses idées. Et Inès, qui eût bien préféré une paisible soirée dans sa chambre, se vit invitée à assister à la soirée de contrat pour laquelle la comtesse lui offrait une simple mais charmante toilette blanche. On se trouvait à l'avant-veille de ce jour. Inès, après avoir fait à la vieille dame la lecture pieuse de chaque soir, venait de remonter dans sa chambre. Comme elle s'agenouillait sur son prie-Dieu pour la prière du soir, son regard tomba sur une très petite enveloppe posée sur le bureau. « Qu'est-ce que cela ? Je ne me rappelle pas avoir rien mis là. » Elle s'avança et prit l'enveloppe. Mais une commotion la secoua en voyant, gravé dans un angle, le signe mystérieux des frères de la justice, cette image du soleil, souvenir des ancêtres incas de Don Miguel, qui ornait aussi le pavillon du roi des Andes dans sa cité de Solepto. Un moment, elle demeura immobile, toute tremblante. Puis, hâtivement, elle décacheta l'enveloppe. Il n'y avait que quelques lignes tracées d'une large écriture masculine. « Pardonnez-moi l'incorrection de ceci, mais je crois prudent de vous prévenir que vous me verrez demain chez mes cousins de Braun. Votre premier mouvement de surprise pourrait provoquer des questions embarrassantes. Si vous le voulez bien, afin de n'être pas obligé de feindre de respect absolument étranger l'un à l'autre, je pourrais parler de l'incident de l'automobile qui me permettra de vous adresser la parole. » Daignez recevoir les respectueux hommages de celui qui se dit toujours votre dévoué serviteur, La Roche-Gléon. Un long moment, Inès demeura immobile, complètement abasourdie. Qui avait mis cette lettre-là? Don Miguel avait-il ici encore quelque secrète intelligence? Et elle allait le revoir. À cette première pensée de bonheur succéda aussitôt un douloureux serrement de cœur. Il lui était déjà si difficile de l'oublier. Que serait-ce s'il lui fallait le revoir quelquefois? Mais elle ignorait qu'il fût parent des Braun. Sans cela, elle ne serait pas entrée dans cette maison où elle était naturellement exposée à le rencontrer. « Vous me donnerez la force, mon Dieu » dit-elle en se laissant tomber à genoux et en cachant son visage entre ses mains. Le lendemain, comme Inès travaillait près de Madame de Sambras, Antoinette entra, toute rose, les yeux brillants. « Nous aurons un convive de plus demain, grand-mère. Michel de la Roche-Gléon est à Paris. Il est venu voir mon père ce matin et doit revenir cet après-midi pour vous présenter ses hommages. » « Ah bon, je m'explique cette figure rayonnante !» murmura malicieusement la comtesse. « Il est dommage qu'il n'ait pas annoncé son arrivée. Tu aurais pu l'avoir comme garçon d'honneur. Il est vrai que M. d'Entraîne est très bien aussi. » Antoinette eut une petite moue dédaigneuse. « Oh, quelle différence entre les deux !»« Évidemment, je ne connais du reste dans notre société aucun homme pouvant se comparer à M. de la Roche-Gléon. Mais il a une nature bien énigmatique. » « Je ne sais ce qui se cache sous ce charme dont tous subissent l'influence. »« Rien que de très bon, certainement, grand-mère. »« Oh, quelle assurance! À quoi vois-tu cela ?» demanda la vieille dame d'un ton moqueur. Antoinette eut un petit geste impatient. « Je ne saurais pas vous expliquer, mais j'ai en lui toute confiance. » »« Il serait certainement très flatté s'il t'entendait. » « Mais cet après-midi, ta robe bleue, petite, c'est celle qui te va le mieux et choisis une coiffure qui ne te vieillisse pas comme celle que tu as en ce moment. » La vieille dame aimait donner à Antoinette, très coquette, de ses petits conseils ironiques. La jeune fille fronça un peu les sourcils et, l'air mécontent, sortit du salon de son aïeul. Inès, tout en continuant son travail, n'avait pas perdu un mot de ce petit entretien. elle savait maintenant que Don Miguel n'aurait qu'à dire un mot pour devenir l'époux d'Antoinette de Braun. Si elle savait pourtant ce qu'il est réellement, pensait-elle. Mais Antoinette, comme tous, ignorait la double personnalité de son cousin. Elle ne voyait en lui que le gentilhomme fabuleusement riche et séduisant entre tous. Inès vit venir l'après-midi avec une sorte de fièvre d'appréhension. Il lui coûtait extrêmement de se retrouver en face de lui, et pourtant une joie involontaire venait par instants faire tressaillir son cœur. Vers 4 heures, la porte du salon s'ouvrit. Madame de Braun entra avec ses filles et derrière elle apparut Don Miguel. Inès était placée à contre-jour et elle s'applaudit de cette idée, car en dépit de tous ses efforts, une rougeur d'émotion monta à son visage lorsqu'elle rencontra le regard rayonnant qui, dès le seuil de la porte, semblait la saluer. Quand M. de la Roche-Gléon eut baisé la main que lui tendait Mme de Sambras avec une aimable phrase d'accueil, il se détourna pour saluer la demoiselle de compagnie. Alors, paraissant seulement la reconnaître, il s'exclama « Mais ne me trompais-je pas ? Il me semble, mademoiselle, que vous êtes cette personne courageuse qui exposa naguère sa vie pour sauver un enfant qu'allait mettre à mal mon automobile. Il me semble aussi, monsieur, vous reconnaître. » Inès avait recouvré maintenant toute sa présence d'esprit et joua fort bien son petit rôle. On la complimenta sur son courage. Puis, discrètement, elle s'effaça, se remettant à son ouvrage, tandis que Don Miguel engageait une conversation avec ses parentes. Il n'adressa plus la parole à Inès et se contenta de la saluer au départ. Malgré cela, Antoinette, dont la jalousie était toujours en éveil, dit ce soir-là à sa mère « Grand-mère aurait bien pu se séparer de sa demoiselle de compagnie pendant la visite de mon cousin. Il faut toujours se défier de ces jeunes filles pauvres et trop jolies, car elles sont souvent intrigantes et coquettes. Je ne pense pas que mademoiselle de Brévis soit ni l'une ni l'autre. Tu sais que ta grand-mère a l'habitude de garder près d'elle sa demoiselle de compagnie quand il lui vient des visites pour soutenir la conversation lorsqu'elle se trouve fatiguée. Elle n'a pas eu l'idée d'agir autrement parce que c'était monsieur de la Roche-Gléon. Du reste, cela n'a pas d'importance car je ne crois pas Michel très inflammable. » « On ne peut jamais savoir !» murmura Antoinette en hochant la tête. Ce fut sans aucun enthousiasme qu'Inès revêtit le lendemain la fraîche toilette de voile blanc, don de Madame de Sambras. Cette soirée était une véritable corvée pour elle, surtout depuis qu'elle savait que Don Miguel serait là. La présence de celui-ci ravivait sa souffrance secrète et les regrets éclos dans son cœur depuis le jour où elle avait compris que le jeune homme l'aimait, mais ne le lui dirait jamais à cause de la situation étrange qui était la sienne et qu'il ne pouvait offrir à aucune femme de partager puisqu'il pouvait arriver qu'un jour il fût dénoncé, traduit en justice et traité tout simplement en chef de brigand. Quand Inès entra dans la chambre de Madame de Sambras, la vieille dame s'exclama d'un ton satisfait « Très bien, très bien, vous êtes délicieuse, mon enfant, ce blanc vous va ravir !» Ce fut aussi l'avis des invités de la marquise de Braun, et si Inès avait été tant soit peu coquette, elle aurait pu ce soir-là être satisfaite de l'admiration discrète qui saluait sa beauté et sa grâce toute patricienne. Mais elle n'y songeait guère et dut faire effort pour répondre à ses voisins de table pendant le dîner et plus tard à ses cavaliers, Madame de Sambras l'ayant obligée à accepter 2 ou 3 danses. Pendant le repas, Antoinette avait constamment causé avec le comte Michel, son voisin de gauche. En son honneur, elle déployait toutes ses grâces et vraiment, elle était très brillante ce soir, très fraîche, dans sa vaporeuse toilette rose. Son cousin lui donnait spirituellement la réplique de cet air d'amabilité hautaine qu'il avait toujours dans le monde. Son regard énigmatique et attirant errait autour de la table, effleurait chaque convive, s'arrêtait une seconde sur Inès. L'un et l'autre auraient-ils pu penser, 6 mois auparavant, qu'ils se retrouveraient à cette table Elle, l'ex-prisonnière, lui, le mystérieux roi des Andes. Don Miguel avait simplement salué Inès à son entrée dans le salon. Elle pensait que tout se bornerait là. Aussi eut-elle un violent battement de cœur en le voyant vers la fin de la soirée s'avancer vers elle et solliciter l'honneur d'une danse. Elle n'osa refuser devant la prière qu'elle lisait dans le regard de M. de la Roche-Gléon et, posant sa main sur le bras qu'il lui présentait, s'éloigna avec lui. « Savez-vous pourquoi je suis ici, mademoiselle ? » murmura-t-il. « Je ne m'en doute pas, monsieur. » « Simplement pour avoir l'occasion de solliciter de vous un moment d'entretien. J'ai quelque chose à vous apprendre et à vous demander. Quand me serait-il possible de vous parler ?»« Mais, monsieur, c'est impossible. » « Oui, ici, je le sais. Mais j'ai pensé à une chose. Le jour de congé de Jacques tombe mercredi prochain, ainsi que je m'en suis informé. Ce jour-là, vous sortez seul avec lui. » « Voulez-vous me permettre d'aller vous retrouver tous deux à un endroit désigné ?»« Mais cela n'est pas très correct, » murmura Inès avec hésitation. « J'espère, Donia Inès, vous avoir montré par ma conduite précédente que vous pouviez avoir confiance en moi. D'autre part, comme je ne voudrais à aucun prix vous occasionner le moindre ennui, il suffira de fixer un endroit où ni l'un ni l'autre ne sommes connus. » Peut-être pourriez-vous vous rendre tous deux à Versailles, par exemple. Nous nous rencontrerions, comme par hasard, au Jardin du Roi, et je vous dirai ce qui fait le véritable objet de mon voyage. Oui, cela est possible. Mais comment avez-vous pu me faire parvenir ce billet avant-hier ? Par l'intermédiaire de la femme de chambre de Madame Braun, qui est affiliée à notre société. Encore ? « Oh, cela, Don Miguel, non, je ne puis l'admettre !»« C'est vous qui avez vaincu, » murmura-t-il d'une voix frémissante d'émotion et d'ardente tendresse. « Pour l'amour de vous, le roi des Andes disparaîtra, et avec lui, les frères de la justice. » Elle leva vers lui son regard à la fois stupéfait et radieux. « Serait-ce possible ?»« Oui, pour vous, je le ferai. » Et aussi parce que j'ai compris que je faisais fausse route. Je vous expliquerai cela mercredi, Donia Inès, et vous me direz alors si vous daignez accepter pour votre époux Michel de la Roche-Gléon. Il sembla soudain à Inès que tout tournait autour d'elle, les lumières se mirent à danser, il lui parut que les couples tourbillonnants s'enlevaient au plafond. Et elle glissa tout à coup, évanouie, entre les bras de Don Miguel. Il y eut un brouhaha dans les salons. Écartant ceux qui se pressaient autour de lui, le comte Michel emporta rapidement Inès vers un petit salon voisin où accoururent aussitôt Madame de Braun, Marthe et Antoinette. « Avez-vous vu comme M. de la Roche-Gléon était pâle ?» chuchota une jeune femme à l'oreille de sa voisine. « Lui, qui ne s'émeut jamais de rien ?» Antoinette se faisait cette même réflexion, tandis que sa mère et sa sœur s'occupaient à faire revenir à elle la jeune fille. En outre, elle avait remarqué qu'en causant avec Inès, son cousin n'avait plus, mais plus du tout, sa physionomie accoutumée, si impénétrable et si altière, et que le délicat visage de Mademoiselle de Brévis s'était subitement empourpré quelques secondes avant qu'elle ne tombât à terre. L'évanouissement d'Inès fut de très courte durée. Elle s'excusa avec confusion du dérangement qu'elle causait et se leva du canapé sur lequel on l'avait étendue en disant qu'elle allait se retirer. « Oui, allez, mon enfant, » dit Madame de Braun, « vous n'êtes pas de très bonne santé et surtout, vous n'êtes pas habituée aux soirées. Une bonne nuit vous remettra. » Quand la marquise et ses filles sortirent du petit salon, elles trouvèrent à la porte Michel qui s'informa aussitôt des nouvelles de Mademoiselle de Brévis. « Oh, ce n'est rien du tout !» dit Antoinette d'un ton ironique. « Vous vous inquiétez beaucoup trop de cela, Michel. » « Pas plus qu'il ne faut, car Mademoiselle de Brévis est une jeune fille charmante à tous les points de vue et digne du plus respectueux intérêt. » riposta Don Miguel d'un ton d'irritation altière. Antoinette rougit de colère, mais Marthe dit vivement « Vous avez raison, Michel !» Et je ne comprends pas la réflexion d'Antoinette. La jeune fille, se mordant les lèvres, s'éloigna sans répliquer, tandis que M. de la Roche-Gléon offrait son bras à Marthe pour la reconduire dans le salon voisin.